Scène 4, Père Ubu, Mère Ubu, Capitaine Bordure. Eh bien, capitaine, avez-vous bien dîné ? Fort bien, monsieur, sauf la merdre. Oh, la merdre n'était pas mauvaise. Chacun a son goût. Capitaine Bordure, je suis décidé à vous faire duc de Lituanie. Comment ? Je vous croyais fort gueux, Père Ubu. Dans quelques jours, si vous voulez, je règne en Pologne. Vous allez tuer Venceslas ? Il n'est pas bête, ce bougre. Il a deviné. S'il s'agit de tuer Venceslas, j'en suis. Je suis son mortel ennemi. Et je réponds de mes hommes. Père Ubu, se jetant sur lui pour l'embrasser. Oh, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, Bordure. Oh, vous empestez, Père Ubu, vous ne vous lavez donc jamais ? Rarement. Jamais. Mais je veux te marcher sur les pieds, hein. Grosse merde. Allez, allez, allez, Bordure, j'en ai fini avec vous. Mais par ma chandelle verte, je jure, sur la mère Ubu, de vous faire duc de Lituanie. Mais... Ah, tais-toi, tais-toi, ma douce enfant. Ils sortent.